l'un des succès populaires et critiques de l'été, la série Tchernobyl, qui relate la catastrophe nucléaire d'avril 1986, produite par HBO, est devenue la série instantanément la mieux notée de l'histoire de la fiction télévisuelle. Elle plonge le spectateur au cœur de l'accident avec un réalisme à glacer le sang. Mais que s'est-il exactement passé dans le réacteur numéro 4 de cette centrale nucléaire, pourtant destinée à être le fleuron de l'industrie de l'atome russe? Entre défauts de conception et enchaînement d'erreurs humaines, c'est cette histoire scientifique de l'explosion jusqu'au sarcophage que nous allons vous raconter. Tchernobyl au cœur du réacteur, c'est le programme Irradiant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire, nos deux narrateurs et non pas liquidateurs du jour sont Galia Ackermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis Berlin et le home studio de Radio France du camarade Ludovic Pietenu, que nous saluons au passage. Vous êtes historienne rattachée à l'université Caen Normandie, autrice de Traverser Tchernobyl. C'est aux éditions Premier Parallèle. Et nous sommes ici à la Maison de la Radio à Paris avec Jean-Claude Zerbib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ingénieur en radioprotection au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Vous étiez en poste au moment de l'accident notamment. Mais avant d'enfiler nos combinaisons de sécurité et de plonger dans l'enfer nucléaire, eh bien, on fait le point sur l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et l'événement scientifique du jour, c'est la présentation dans la revue Nature, aujourd'hui, du plus vieux crâne d'Australopithèque anamensis. De l'Australopithèque anamensis, hein, jusqu'à présent, nous n'avions que de petits bouts de dents, de mâchoires, mais là, nous avons un crâne presque complet, très bien conservé. Le spécimen a été baptisé MRD, il a été découvert par une équipe internationale de paléanthropologues en Éthiopie en 2016, et il a été daté. Ce fossile est vieux de 3,8 millions d'années, c'est plus vieux que Lucie, l'Australopithèque afarensis, vieille, elle, de 3,2 millions d'années. On a si peu de fossiles hein, de ces périodes anciennes que lorsqu'on en trouve, cela bouscule forcément notre vision de l'évolution. Ce crâne montre des caractères à la fois primitifs et à la fois plus modernes, plus proches de nous. Antoine Balzo est paléanthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour lui, cette découverte confirme Anamensis en tant qu'espèce distincte. Cela confirme aussi qu'il faut se méfier des schémas évolutifs trop linéaires. Clairement, c'est un Australopithèque. Il a des caractéristiques typiques d'Australopithèque, mais il se place parmi les plus anciens et ceux avec les caractères les plus primitifs. Il a une face qui est un peu prognate, qui est importante, un crâne avec un cerveau qui est petit, des caractéristiques donc anciennes, mais surtout une base du crâne qui rappelle tous ces hommes anciens, mais qui sont totalement bipèdes, avec un foramen magnum qui est en dessous du crâne, l'arrière du crâne qui est basculé vers l'arrière. Donc on est bien face à un primate bipède, et de par cette face massive et ce petit cerveau qui est antérieur au genre Homo, c'est donc bien un fossile Australopithèque. C'est magnifique parce que ça nous documente de manière très détaillée cette espèce. Et il y a encore énormément de travail à faire sur ce fossile-là pour qu'on comprenne bien à quoi ressemble cette espèce. Là, Anamensis, on sait que c'est l'espèce la plus ancienne, qui se situe donc avant l'espèce de Lucie. Donc naturellement, des chercheurs ont proposé que ça pourrait être l'ancêtre. Le fait de trouver plus de fossiles avec des caractères différents et puis à des époques différentes, là on a des fossiles qui pourraient être contemporains de l'espèce de Lucie. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que l'évolution, justement, c'est pas quelque chose d'aussi simple et d'aussi droit. Des espèces peuvent continuer à perdurer tout en ayant donné naissance à une autre espèce, parce que c'est pas vraiment une espèce qui devient une autre, c'est une partie qui se transforme, et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses espèces qui cohabitent. Cette découverte-là, elle documente bien l'espèce Anamensis, mais nous permet pas encore de répondre à toutes les questions sur l'évolution des Australopithèques. On passe au bref de science. Selon une étude parue hier, les astronautes ont détecté une nouvelle explosion de kilonova. Une kilonova, c'est ce qui se produit lors de la fusion de deux étoiles à neutrons. L'explosion qui libère une grande quantité d'énergie produit de l'or, du platine ou de l'uranium. Le 17 août, c'était historique. Les astronomes ont fait l'observation d'une fusion de deux étoiles à neutrons. L'événement cosmique est le premier à avoir été détecté dans les ondes gravitationnelles, les rayons gamma et les ondes radio. Il a été baptisé GW 170817. À partir de ces données, les chercheurs de l'université du Maryland ont réexaminé celle d'un autre événement passé, le sursaut gamma court détecté par Hubble en 2016. Les similitudes sont telles qu'ils ont donc conclu qu'il s'agissait bien d'une kilonova. Les chercheurs espèrent en débusquer d'autres dans leurs archives. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé a donné alerte contre une recrudescence inquiétante de rougeole en Europe. La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut être mortelle et il existe pourtant un vaccin fiable, ce n'est jamais inutile de le préciser. Au premier semestre de 2019, plus de 89 900 cas de rougeole ont été recensés en Europe. C'est deux fois plus que l'an dernier à la même période. Alors pourquoi ce sursaut ? La couverture vaccinale en Europe recule, deux morts en France depuis le début de l'année. La maladie est même réapparue au Royaume-Uni, là où elle était considérée comme éliminée. Et selon une nouvelle étude, les porteurs d'une rare mutation génétique peuvent dormir 4 à 5 heures par nuit sans être fatigués. Et sans être fatigués, sans avoir de séquelles sur leur santé, les experts recommandent une nuit de sommeil d'au moins 7 heures. Il s'agit d'une mutation qui concerne 4 personnes sur 100 000. Les biologistes de l'Université de Californie ont analysé les gènes de 12 patients concernés. Ils ont observé une mutation du gène ADRB1 qui régit une zone du cerveau impliquée dans la régulation du sommeil. Ils ont ensuite génétiquement modifié des rats et les résultats suggèrent que les cellules cérébrales exprimant ADRB1 favorisent l'éveil et que ces variations influent sur la durée de notre veille. Avec ces données, les chercheurs espèrent développer de meilleurs traitements contre les troubles du sommeil. Merci Natacha, vous pouvez retourner vous coucher. On vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine, nouvelle formule également. Et puis vous pouvez retrouver tous les journaux des sciences depuis lundi sur franceculture.fr, en podcast évidemment, ainsi que les fils sur notre fil Twitter, @laméthodefc, qui rencontre quelques petits soucis en ce moment, mais nous sommes toujours présents. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte. Retour à notre sujet du jour, l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl. Le 26 avril 1986. Il faut attendre près de 3 jours pour que la nouvelle commence à être diffusée. Écoutez cette archive du journal de France Inter. Nous sommes le 29 avril à 6h du matin. Un accident a endommagé un des réacteurs atomiques d'une centrale nucléaire soviétique. La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. Le communiqué est signé du Conseil des ministres de l'URSS. L'Union soviétique n'évoque en général qu'avec réticence et beaucoup de retard les accidents et catastrophes pourtant le lot de tous les pays. Il y a des victimes, précise l'agence officielle soviétique, en notant qu'elles sont soignées, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pour l'heure que de blessés. Des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de l'accident, ajoutent, dans leur style laconique, les médias soviétiques. Cette centrale nucléaire de Tchernobyl est située en Ukraine, dans la région très peuplée de Kiev. Ces 3 tranches datent de moins de 10 ans et avaient été inaugurées avec fierté. L'agence de presse Novosti, dans un article publié en 1979, titrait « La centrale atomique de Tchernobyl, aucune raison de s'inquiéter ». Voilà, on entend hein, toutes les précautions oratoires utilisées par le journaliste, sans doute d'une certaine gravité. On évoque que des blessés. On est 3 jours après, il y a déjà plusieurs morts. Jean-Claude Zerbit, vous étiez en poste au CEA à l'époque. Quels sont les souvenirs que vous avez de cette catastrophe nucléaire ? On avait très peu de données. On n'avait que les Suédois qui étaient sortis de leur réacteur parce qu'ils craignaient qu'il y avait des problèmes. Puis il n'y avait plus rien. Ils sont rentrés et là, au contrôle des pieds, ils se sont vus tous contaminés et parce qu'ils avaient marché à l'extérieur et qu'il y avait eu les retombées étaient arrivées à cet endroit. Et on nous avait dit c'est probablement une explosion souterraine qui a foiré. Mais le 1er mai, moi j'étais d'astreinte sur le centre de Saclay. Toutes les alarmes des bâtiments ont été déclenchées. Oui. Les gens sont sortis, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Parce qu'on contrôle l'air que l'on rejette d'un bâtiment, mais pas, on suppose que celui qui entre est propre. Alors on a analysé tout de suite ce qui se trouvait sur les filtres et on a vu des caractéristiques qui sont celles d'un combustible irradié et pas d'une explosion. On ne retrouve pas les mêmes substances radioactives dans les deux cas. Et on a trouvé des choses qui étaient un peu bizarres. On trouvait beaucoup d'iodure de césium. Et cet iodure de césium, à mon avis, il est catastrophique parce qu'il amène le césium à la thyroïde et il reste plus longtemps que l'iode. Galia Ackermann, peut-être un mot sur le blocus médiatique ou en tout cas la rétention d'informations qui a été pendant ces trois jours, qui a permis à la Russie de ne pas faire état ou de faire très très peu état, puisque comme l'indique Jean-Claude Zerbib, comme on le voit d'ailleurs aussi dans la série de Tchernobyl, qui est une série donc qui est en partie fictionnalisée, mais effectivement les alertes ont été données à l'extérieur de la Russie au départ de cet accident. Il faut dire que même avec la proclamation de la glasnost, c'est-à-dire politique d'ouverture, d'information, etc., par Gorbatchev, il y avait une exception, c'était tout ce qui concernait le domaine nucléaire. Et cela explique beaucoup de choses, parce que d'une part, on n'a pas voulu annoncer tout de suite à la population, tant qu'il n'y avait pas la certitude, en tout cas, que le réacteur nucléaire a explosé. Vous l'avez vu dans la série, c'est tout à fait conforme à la réalité. Les gens de la centrale, et c'est ce qu'ils ont aussi annoncé à la direction soviétique, étaient persuadés, malgré même le fait qu'ils voyaient des débris de graphite, par exemple, qui ne pouvaient provenir que de l'intérieur du réacteur explosé, ils refusaient de croire que le réacteur a explosé. Et donc, cette sorte de refus mental, et en plus les instructions qui étaient très fermes, ont fait que l'information a été donnée avec beaucoup de retard. Et cela aussi, cette foi un peu aveugle en la science soviétique, on n'avait pas d'hypothèse qu'un réacteur puisse exploser, en fait. Il y avait la certitude que ça ne pouvait pas arriver. Et donc, c'est à cause de cela qu'il y avait, par exemple, un retard par rapport à l'explosion de 36 heures pour évacuer Pripyat. Et bien sûr, non seulement il y avait une trentaine de victimes, des gens qui ont travaillé sur le site pour éteindre l'incendie, alors qu'en réalité c'était pas vraiment un incendie. Mais il y avait aussi beaucoup de gens, des centaines de gens qui ont été irradiés, notamment en Pripyat, parce que ils se trouvaient à proximité, à 2 kilomètres seulement, de l'explosion. Alors, on va pas raconter toute l'histoire du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière française, comme chacun sait, évidemment. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'un épisode prochain des Idées Claires qui reprend des épisodes inédits à partir de la semaine prochaine. On va revenir au tout début de cette histoire et notamment ce que vous évoquiez à l'instant, Galia Ackermann, à la science de nucléaire civil et militaire. D'ailleurs, puisqu'on va le voir, les deux sont liés russes. La recherche en nucléaire civil au milieu des années 70 est en plein boom, en pleine expansion, hein, des centrales apparaissent un petit peu partout, pas uniquement d'ailleurs sur les territoires russes et américains, mais également en Europe. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot, Jean-Claude Zerbib, sur ces fameux réacteurs RBMK, qui sont un peu le fleuron de l'industrie nucléaire russe. Alors il y avait en 86, 17 RBMK. Il y en avait 4 sur le site de Tchernobyl, qui s'appelait la centrale Lénine, et 2 en construction depuis 81 et 83. En plus, hein, sur le site de Tchernobyl. Toujours ouais, ça, sur le site. Donc il y avait 4 en fonctionnement, 2 en construction. L'objectif, je crois, était d'arriver à 12 réacteurs et de faire de Tchernobyl vraiment la plus grosse centrale nucléaire du territoire russe. Absolument, absolument. Donc le problème, c'est un réacteur qui est conçu par les soviétiques, qui n'a pas d'équivalent. Il a des intérêts parce qu'il n'y a pas les grandes cuves que nous avons dans les réacteurs bouillants ou pressurisés. Il n'y a pas d'échangeur de vapeur, pas d'effets secondaires. Cependant, il présente des difficultés de fonctionnement parce que lorsqu'il descend en dessous de 70% de sa puissance, il commence à devenir instable. Et là, ils avaient vraiment joué avec le feu parce qu'ils sont descendus très très bas. Alors, on va reparler des circonstances exactes de cette catastrophe qui est liée à la réalisation d'un test. On va le redire dans quelques minutes. Peut-être un mot également, Galia Ackermann, sur ces réacteurs RBMK et sur ce que vous décriviez comme la fierté, la certitude qu'on est là vraiment sur une technologie nucléaire de pointe et que cette technologie est extrêmement fiable. Vous savez que le nucléaire civil était en quelque sorte une branche du nucléaire militaire. En fait, c'était Beria, le célèbre Beria, qui était un bourreau de Staline, mais aussi un excellent organisateur, qui gérait depuis 1943 la branche nucléaire, grâce aux données que les Russes les Soviétiques ont reçues de Frédéric Joliot-Curie et ensuite de quelques espions américains, les Russes ont commencé à créer donc la bombe atomique. C'était déjà une compétition, même pendant la guerre, quand l'Union soviétique et les États-Unis étaient alliés, il y avait quand même déjà la concurrence dans le domaine. Et donc, si vous voulez, en 1954, on a construit une première centrale expérimentale à Obninsk, pas très loin de Moscou, qui produisait aussi de l'électricité. Et en fait, le facteur idéologique était très important. Vous savez, Lénine a jadis défini le pouvoir soviétique comme le socialisme comme le pouvoir soviétique plus l'électrification de tout le pays. Symboliquement, l'électricité portait la lumière au peuple. Et bien sûr, en 54, dans les années 50, dans les années 60, il n'y avait aucun besoin de construire les centrales nucléaires parce que on sait très bien que l'Union soviétique regorgeait d'hydrocarbures. Mais c'était un élément de la compétition idéologique. Et il faut dire que les dirigeants ukrainiens ont beaucoup poussé la direction centrale pour construire des centrales en Ukraine, notamment donc la centrale de Tchernobyl, parce que c'était un élément aussi de compétition en quelque sorte entre les républiques qui auraient plus de puissance. Maintenant, il y avait un modèle alternatif du réacteur, ce qu'on appelle en abréviation VVER, qui est une variation des réacteurs qu'on produit en Occident, mais il n'y avait pas suffisamment d'approvisionnement pour produire ce type de réacteur à l'échelle, disons, plus ou moins industrielle. Et donc, suffisamment d'approvisionnement en quoi ? Exactement. En détail, en pièces détachées, d'accord. En détail de la construction. Enfin, la construction était difficile à organiser. Donc, on a adopté RBMK. Et encore une fois, le chef de l'industrie nucléaire, l'académicien Alexandrov, disait que RBMK était tellement sûr qu'on pouvait l'installer sur la place rouge. Il ne représentait aucun danger. Et donc, les techniciens ont été éduqués dans ce sens-là. En fait, les gens qui étaient à la centrale de Tchernobyl, ils étaient d'excellents techniciens, mais ils n'avaient pas de formation très poussée en physique nucléaire. C'est-à-dire, il y avait des processus qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était quelque chose de mécanique. Et il y avait un gros problème qui consistait dans ce voile de secret qui couvrait toute l'industrie nucléaire, qu'elle soit militaire ou civile. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs accidents moins graves qui se sont produits avant Tchernobyl, mais ces accidents étaient tenus secret, de sorte que les techniciens, les ingénieurs, le personnel des autres centrales n'en avaient même pas l'information. Par exemple, il y avait une grosse catastrophe nucléaire en 1957 dans l'Oural. C'était l'usine qui produisait le plutonium militaire, Mayak. Et il y avait des gens qui ont travaillé sur comment surmonter cet accident, comment s'occuper de la radioprotection de la population, etc. Mais les résultats qu'ils ont obtenus n'ont pas été communiqués à d'autres centrales. Vous voyez, c'est surtout ça qui a fait que l'accident de Tchernobyl est devenu à ce point grave. Et on peut peut-être préciser justement, quand vous dites, Galia Ackermann, que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont évidemment deux facettes de la même recherche et de la même démarche, que ce fameux réacteur, les quatre réacteurs de Tchernobyl, la centrale de Tchernobyl, avait pour vocation de rendre son plutonium utilisé à des fins militaires. Jean-Claude Zerbib. Tout à fait. Il avait une caractéristique qui est très particulière, c'est que on peut charger et décharger le réacteur en marche. Ça veut dire qu'on ne fait pas un arrêt de tranche pour pouvoir le vider. Le fait qu'on puisse, en choisissant le canal sur les quelques 700 canaux, le canal et le combustible que l'on veut, on peut décharger le combustible au moment que l'on a choisi, afin que l'on ait le plutonium le plus proche du 239 pour faire les bombes. Donc c'est clair qu'il avait une signature militaire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20 sur France Culture, nous parlons donc de l'histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en compagnie de Galia Ackermann qui est avec nous en duplex depuis Berlin et Jean-Claude Zerbib ici même à ma droite. Peut-être Jean-Claude Zerbib un mot pour nous expliquer, pour soulever un peu le capot en quelque sorte de ces réacteurs RBMK. Comment ça marche un réacteur RBMK concrètement de manière synthétique ? Ouais, c'est une masse énorme de graphite qui fait 12 mètres de diamètre sur 7 mètres de haut, qui est traversée par 700 tubes et dans lesquels se trouve le combustible. Le combustible est au centre d'un gros tuyau et l'eau passe en léchant le combustible pour récupérer les calories. Il y a deux turbo-alternateurs de 500 MW qui permettent de produire de l'électricité. Le problème, c'est... On va rappeler juste en un mot, schématiquement pour nos auditeurs qui n'ont pas tout à fait en tête le schéma d'une centrale nucléaire, hein, c'est effectivement le dégagement de la chaleur produit par la fission qui permet de produire de la vapeur d'eau qui ensuite va entraîner des turbines qui elles-mêmes convertit l'énergie calorique en énergie électrique. Tout à fait. Et la simplicité du RBMK, c'est que dans le même réacteur, on produisait de la vapeur. Et la vapeur, c'est la même eau qui vient lécher les combustibles, qui va alimenter la turbine qui entraîne l'alternateur. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de défauts de conception ont été centraux dans le déclenchement de la catastrophe, dans ces réacteurs RBMK à proprement parler. Lesquels, Jean-Claude Zerbib ? Alors c'est principalement les grappes de commandes et les grappes d'arrêt d'urgence. Alors que sont les grappes de quoi on parle quand on parle de grappes d'arrêt d'urgence? Ce sont des instruments que l'on insère plus ou moins en nombre plus ou moins grand et plus ou moins profondément à l'intérieur du cœur. Ce sont des tiges, qu'on parle de grappes, mais ce sont des tiges, en fait. C'est en fait un grand tube qui est constitué d'une série d'anneaux de matériaux qui absorbent les neutrons. Donc, en absorbant les neutrons, ils ne participent pas à produire, à casser de l'uranium-235, donc à produire des neutrons et de l'énergie. Donc, en descendant plus ou moins profondément ces grappes, et en nombre plus ou moins important, on peut gérer la puissance du réacteur. Ces grappes qui sont constituées de carbure de bord? Alors, elles sont constituées d'un autre carbure de bord, mais elles avaient une particularité qui était très catastrophique. C'est qu'elles se terminent par un morceau de graphite de 4,50 m de long. Et surtout, c'est que les matériaux absorbeurs de neutrons sont raccordés à ce graphite par une tige métallique. Et lorsque la grappe descend, elle chasse l'eau. Et on se retrouve avec une augmentation brutale de la réactivité du réacteur. Et ça, du fait de ces pointes en graphite, qui est un matériel très réactif. Entre le matériel graphite et le matériel absorbeur de neutrons, le carbure de bord. Ça, c'est l'un des défauts de conception. Je crois qu'il y en a un autre qui est lié à l'absence d'enceinte de confinement. Alors, on peut le dire, mais... Parce qu'il y en avait au-dessus et en dessous, mais pas autour. Mais tout le monde convient, enfin tous les gens sérieux conviennent que rien, aucune enceinte de confinement aurait tenu à l'explosion que l'on a connue. Il faut se rappeler quand même qu'elle a arraché une dalle de béton de 2 tonnes. De 2000 tonnes. Oui, de 2000 tonnes. Elle s'est arrachée de son amarrage. Elle était traversée par 700 tubes. Elle est montée à 14 mètres de haut et elle est retombée et elle s'est enquillée dans le cœur du réacteur. C'est une puissance, on sait pas en combien de tonnes. C'est plus de 100 kilotonnes. Galia Carman, sur ces défauts de conception du RBMK, pareil, ce sont des défauts de conception qui vont dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont été délibérément évincés ou en tout cas qui n'ont pas été pris en compte du fait de ce sentiment national de la suprématie soviétique dans le domaine du nucléaire. Pas seulement dans le domaine du nucléaire, en fait, il y avait une vieille expression d'un biologiste qui s'appelait Michurin, qui faisait des croisements entre différents fruits, par exemple, et qui a dit une phrase qui résume toute la relation qu'avaient des soviétiques avec la nature. Nous ne pouvons pas attendre les faveurs de la nature, les lui arracher est notre devoir. Vous voyez? Et donc, là aussi, comme avec les expériences, par exemple, de Lysenko, il y avait une sorte de légèreté qui provenait de l'idée que l'idée communiste était bonne. Et donc, comme ils étaient dans l'avant-garde de l'histoire, dans l'avant-garde de l'humanité, leurs décisions scientifiques aussi allaient dans le bon sens. Il y avait quelque chose de la superbe, on peut dire, qui faisait négliger les règles de sécurité, par exemple. Et puis, il y avait aussi cette approche où les résultats étaient plus importants que les questions de sécurité, les questions de la circulation de l'information et, in fine, de la vie humaine. Et donc, ce n'est même pas, je dirais que les réactions RBMK étaient beaucoup moins chères, par exemple, que les VVER. C'était qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient sûrs. Et peut-être il ne se serait pas produit quand même cette catastrophe si la direction de la centrale, qui voulait obtenir peut-être des primes, le directeur qui pensait avoir un avancement, si cela réussissait, ils ont décidé de produire une expérience qui n'a pas été complètement validée par les supérieurs, c'est-à-dire ils ont envoyé des demandes avec la description du test qu'ils voulaient faire, mais n'ont pas reçu l'aval ni d'ailleurs l'interdiction. Et donc ils ont décidé quand même de faire ce test. Et c'est ce test qui s'est avéré fatal, conjugué avec les insuffisances et la fragilité de ce type de réacteur. Ce qui nous amène à ce fameux 26 avril 1986. Camarade Diatlov ! Camarade Diatlov ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ignore. Il y a le feu dans la salle des turbines ! La salle des turbines. Le réservoir de contrôle de l'hydrogène. Vous et Toptounov, vous avez fait exploser le réservoir. Non, c'est pas moi. C'est une urgence. Tout le monde reste calme. Notre priorité absolue, c'est... Il a explosé ! Nous le savons. Est-ce que nous refroidissons le cœur du réacteur ? On l'a éteint, mais les barres de contrôle ne sont pas totalement descendues. J'ai débrayé... Très bien, je vais déconnecter les servomoteurs depuis la console de secours. Vous deux allez actionner les pompes auxiliaires. Il faut que l'eau circule dans le cœur du réacteur. C'est tout ce qui compte. Il n'y a plus de cœur. Il a explosé. Le cœur a explosé. Il est en état de choc. Sortez-le d'ici. Le couvercle a sauté. Le réacteur est en train de brûler. Je l'ai vu. Vous perdez la tête. Le cœur d'un réacteur RBMK ne peut pas exploser. Akimov ! Nous avons fait tout comme il fallait. Quelque chose d'étrange. Tu sens ce goût de métal ? Akimov ! Camarade Perevoschenko, ce que tu dis est techniquement impossible. Le cœur ne peut pas exploser. Ça doit être le réservoir. Nous perdons du temps. Allons-y, évacuez l'hydrogène des générateurs et envoyez de l'eau dans le réacteur. Et pour le feu ? Appelez les pompiers. Extrait de la série Tchernobyl, diffusée donc au début de l'été par la chaîne américaine HBO. On est au tout début du premier épisode, à l'intérieur, donc vous l'entendez, de la salle de commande. L'explosion a déjà eu lieu. Qu'est-ce qu'on entend dans cet extrait, Jean-Claude Zerbib ? C'est, si on en croit le livre de Grégory Medvedev, lui dit que il pensait que les grappes d'arrêt d'urgence n'étaient pas descendues. Et il y avait deux jeunes ingénieurs qui étaient en stage. Il leur demande d'aller les descendre manuellement. Ces deux ingénieurs y vont, ils veulent prendre l'ascenseur interne et ils s'aperçoivent qu'il est détruit. Ils prennent les escaliers, ils veulent aller sur le toit pour descendre manuellement et ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus de toit. Le toit, il a sauté en l'air. Donc il revient, mais ils sont tellement persuadés que ce n'est pas un accident qui est arrivé au niveau du cœur, mais quelque part dans une cuve, qu'ils refusent la réalité. Et c'est ce déni qui a tué plusieurs personnes. C'est ce qu'on entend, hein, Galia Ackermann. On dit ça n'est le cœur est intact, vraiment. On entend Dyatlov qui dit ça n'est pas possible. Pendant longtemps, et ce qui va expliquer d'ailleurs une série d'erreurs et de dramatiques, on ne croit pas que le cœur ait pu exploser. On pense que effectivement, ce sont des réservoirs à côté. Oui, et vous savez, Grigori Medvedev donc raconte dans ce livre que vient de mentionner Monsieur Zerbib qu'il y avait en fait une sorte de boule de feu, une boule peut-être électromagnétique de taille assez énorme, c'est-à-dire une boule aplatie qui faisait 7 mètres de diamètre et 3 mètres de haut, qui est sortie du réacteur et qui a pu renverser notamment ce fameux couvercle de 2000 tonnes qui s'appelait Elena et qui est sorti dans l'atmosphère. À ce jour, il y a quand même des détails, parce que vous savez, chaque catastrophe industrielle est unique dans son genre. À ce jour, il y a des détails de cette explosion. D'ailleurs, paraît-il, il y avait quand même deux explosions qui ne sont pas tout à fait claires, même aux physiciens. Et on a fait notamment, j'ai lu dans des recherches russes là-dessus, on a fait le calcul donc de l'hydrogène qui devait se former dans la cuve et de sa puissance d'explosion. Et on n'arrive pas à la puissance réelle, bien en dessous. Donc il y a eu peut-être des phénomènes que nous avons même du mal à expliquer. Je ne sais pas ce que dira là-dessus le professeur Zerbib. On va en reparler dans un instant et on va essayer de revenir à tout début et de dérouler bien cette soirée du 25 au 26 avril pendant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon, vinyle, évangile, mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle. Dira encore longtemps. Bien après la fin, tu m'iras, diras encore longtemps. Au-delà des portes closes, le dimanche à Tchernobyl, j'harangue le soleil, j'harangue les sardines. Dans la rougeur des canaux, à la centrale, il y a carnaval, Java, Javel, cerveau, vaisselle. Chaque jour se rit de moi, à de l'or. m'irradiera encore longtemps. Alain Bashung, un dimanche à Tchernobyl sur France Culture à 16h34, puisque c'est ce dont il est question tout au long de cette heure de cet accident nucléaire de Tchernobyl vu par un prisme scientifique. Et nous allons essayer maintenant de comprendre exactement ce qui s'est passé dans ce fameux réacteur numéro 4. Nous en parlons avec Galia Ackermann, qui est historienne rattachée à l'université de Caen, Normandie, auteur de Traversée de Tchernobyl aux éditions Premier Parallèle, et avec Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection au CEA. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Galia Ackermann, à l'origine de tout, il y a un test sur ce réacteur RBMK numéro 4 pour bien essayer de voir ce qu'il se passerait en quelque sorte en cas de coupure d'électricité, puisque en cas de coupure d'électricité, il y avait d'autres générateurs qui devaient prendre le relais. Il y avait un problème de temps de latence hein, avant que ces générateurs puissent effectivement prendre le relais, et donc... Voilà, une volonté de mettre au test ce réacteur numéro 4 malgré eh bien l'absence d'autorisation officielle des autorités de l'énergie russe. Oui, comme je vous dis, il y avait cet esprit de compétition et c'est bien montré dans la série Tchernobyl, la direction de la centrale, qui avait déjà échoué deux fois à mener à bien ce test, était décidée cette fois d'aller donc jusqu'au bout, malgré des obstacles qui se sont présentés, c'est-à-dire d'une part... Il voulait faire ce test dans la journée. Il faut dire que le réacteur, de toute façon, devait être prochainement arrêté pour la maintenance. Et donc, il y avait déjà une grande partie du combustible qui avait été utilisé. Donc, il y avait encore... c'est peut-être... on peut dire que c'était encore un peu de chance dans cette affaire. Que le combustible a été en grande partie déjà utilisé. Et il était question de le ralentir pour mener cette expérience et voir comment on pouvait produire l'électricité résiduelle. Mais dans la journée, ça n'a pas été possible parce que de Kiev, on a demandé que la production d'électricité soit maintenue. Il y avait beaucoup de demandes. Et c'est pour ça qu'en plus de tout, ils se sont retrouvés avec donc ce test sur les mains. C'était l'équipe de nuit qui devait faire le test et qui n'était pas initialement même préparée pour ce test. C'était une accumulation de toutes sortes de... D'erreurs qui a fini par produire cette explosion. Alors effectivement, quand on voit le déroulé, on va le passer avec vous en revue si vous le voulez bien, le déroulé de cette qui conduit à l'accident, c'est une succession d'erreurs et d'erreurs, il faut le dire, humaines. La première étant celle que vous venez de mentionner, c'est-à-dire l'erreur qui va être liée au passage de l'équipe de jour à l'équipe de nuit avec un manque de transmission d'informations. Peut-être que pour lancer ces tests, Jean-Claude Zerbib, erreur peut-être la première. Ils veulent faire le test pendant que le réacteur est en production. Et deuxième erreur qui va s'avérer très très lourde, c'est l'arrêt du système d'alarme, du système de refroidissement qui est débranché. Pourquoi ? Dans les conditions où ils travaillaient, il y avait un empoisonnement au xénon 135. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parmi les quelques 170 substances radioactives qu'on fabrique dans le cœur, il y en a un qui est le xénon 135, qui se trouve avoir ce qu'on appelle la section efficace la plus grosse que l'on connaisse. C'est une substance qui est très gloutonne en neutrons. Le fait qu'elle se mette à absorber beaucoup de neutrons, elle réduit la puissance du réacteur. Donc, comme elle réduit la puissance du réacteur, on est tenté de retirer des barres de contrôle qui sont elles-mêmes absorbeurs de neutrons pour compenser l'appétit du xénon 135. Et ils l'ont fait de manière progressive. Ils sont arrivés jusqu'à 30 barres, puis 15 barres de contrôle. Et normalement, à partir de 15 barres de contrôle, on ne devrait pas aller plus loin. Mais le système n'est pas automatique et il n'y a pas eu un arrêt. Alors, on va essayer de dérouler ça vraiment point par point, quasiment minute par minute. Il y a ce lancement du test en production, l'interruption du système d'alarme du système de refroidissement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi ont-ils eu besoin d'interrompre ce système d'alarme du système de refroidissement pour mener ces tests, Jean-Claude Darby? Parce qu'ils avaient une interdiction normalement de poursuivre. Et s'ils ne court-circuitaient pas ce système de sécurité, ils étaient obligés d'arrêter. Or, ils tenaient à tout prix à le faire. Alors peut-être que c'était aussi, on était un vendredi soir, puis on était à l'approche du samedi, que l'équipe n'avait pas de culture de sûreté. Elle était très formée sur son essai, mais elle n'avait pas de grandes idées sur les répercussions de tout ce qu'elle allait faire sur le réacteur proprement dit. Elle était le nez sur le guidon à son système de électrique. Donc ce système d'alarme, il est interrompu par ailleurs par l'équipe de jour, ce que ne saura pas, et cette information ne sera pas transmise à l'équipe de nuit. Peut-être un mot, Galia Kerman, à ce propos, on arrive donc justement à ce changement, à ce bascule d'équipe. La puissance du réacteur est réduite dès 23h10. Il y a une première erreur de manipulation. C'est pas une première erreur, ce serait déjà d'ailleurs la troisième erreur qui va conduire à cet empoisonnement au xénon. Voilà, mais au moment où il constate l'empoisonnement au xénon, à mon sens, et c'est ce qui est aussi suggéré par des personnages du film, mais c'est basé quand même sur des souvenirs de gens, sur des souvenirs vrais, ils auraient dû arrêter le réacteur. Mais ils ne l'ont pas fait à ce moment-là. Ils ont continué quand même l'expérience malgré donc la chute de réactivité du réacteur. Mais comment se produit cet empoisonnement au xénon? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que le réacteur soit empoisonné au xénon à ce moment-là, pendant la phase de test, Jean-Claude Zerbib? Parce qu'il a travaillé très longtemps à 500 mégawatts, et normalement, ils ne doivent pas le faire. Ils ne doivent pas descendre en dessous avec ce type de réacteur. Ils sont, du fait de ces instabilités, ils ne devraient pas descendre en dessous de 700 mégawatts. Or, on les a bloqués pendant 9 heures. À 500 mégawatts. Donc on a eu une production importante et quand ils ont voulu démarrer, ils sont aperçus que ils ne pouvaient pas continuer, il fallait diminuer l'absorption des neutrons par les barres de contrôle et ils ont commencé à les enlever. Et quand ils sont arrivés Je crois qu'on est tombé à 30 mégawatts à cause de cet empoisonnement xénon, ce qui est très très bas. Il y a pratiquement pas plus de réaction. On peut presque dire qu'il y a pratiquement plus de réaction neutronique. Ça veut dire que c'est la radioactivité contenue qui avait été produite dans le combustible qui chauffait l'eau. Donc les 30 mégawatts, c'était même plus du nucléaire, c'était l'énergie dissipée par les radionucléides. Du coup, le réacteur s'étouffe, en quelque sorte. La pression augmente à cause de la vapeur, mais du coup, personne ne s'en rend compte parce qu'il n'y a pas de système d'alarme de refroidissement, puisqu'il a donc été coupé par l'équipe précédente. Il est 0h38, le réacteur produit presque plus d'énergie, c'est ce que vous venez de décrire, Jean-Claude Zerbib. Donc Dyatlov, Anatoly Dyatlov, qui est le chef, exige que la puissance soit rétablie et commence donc à retirer une par une ces fameuses barres. Oui, il en restait entre 6 et 8. Entre 6 et 8, d'après les données de la délégation soviétique à Vienne. Que se passe-t-il ensuite, Galia Kerman? Dyatlov oblige les techniciens donc à retirer quasiment toutes les barres de contrôle. Il existe de poursuivre l'essai et sans redescendre les barres. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, le réacteur, ce qu'on appelle dans le jargon des physiciens, s'emballe. Sa puissance augmente de 1000 fois en quelques secondes et ça finit par... Et donc, à ce moment-là, ils sont paniqués. Ils appuient sur le fameux bouton rouge et ils essaient donc de plonger les barres dans le réacteur. Il a été souligné, les barres, il y avait le bord qui neutralisait les neutrons, mais les extrémités étaient en graphite. Cette tentative avec le réacteur déjà emballé produit exactement l'effet contraire parce que les barres ne peuvent plus s'enfoncer. Et ça finit par produire une gigantesque explosion. C'est ça, c'est-à-dire que le graphite a l'effet exactement inverse du carbure de bord, c'est un effet catalyseur de la réaction nucléaire. Mais ce que j'aimerais comprendre tout de même, Jean-Claude Zerbib, c'est que on arrive à un point où le réacteur, donc un peu avant, est empoisonné au xénon, donc on l'a dit, il est quasiment étouffé, quasiment nul. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, en retirant toutes les barres, d'un seul coup la réaction nucléaire se met à s'emballer à ce point-là et aussi vite? Eh bien parce que comme ça chauffait beaucoup moins, on a eu beaucoup plus de vapeur qui s'est formée et ça a fait un effet de vide qui augmente parce qu'on remplace... On appelle un coefficient de vide voilà. Positif, expliquez-nous ça. Lorsque on est à peu de choses, à peu de degrés du passage de l'eau à la vapeur, lorsqu'on le franchit, on a une différence de densité d'un facteur 20 à peu près. Les neutrons, ils sont nettement moins arrêtés et on peut avoir à ce moment-là un emballement. Mmh. Parce qu'on arrête beaucoup moins les réacteurs. Et en plus, au niveau où ils étaient, il y avait de très grandes instabilités du cœur. Et pratiquement, même le xénon 135, il n'était pas réparti de manière uniforme dans le réacteur. Donc c'était extrêmement compliqué de conduire ce réacteur-là dans une telle situation. D'autant que donc il n'y a plus ces fameuses barres de contrôle. Donc la réaction nucléaire, évidemment, d'un seul coup et très très rapidement. On dit, hein, j'ai lu que au moment où Dyatlov exige de poursuivre l'essai sans redescendre les barres, ensuite il va falloir 20 secondes pour les redescendre. 20 secondes en termes de réaction nucléaire, c'est une éternité. C'est énorme. Donc le sort de la centrale est déjà scellé à ce moment-là. Parce qu'elle ne chute pas, par gravité. Dans les réacteurs européens, elle chute par gravité. C'est-à-dire qu'on les lâche. Et ça met un peu moins de 2 secondes pour descendre. Là, elles sont mues par un système électrique et avec un moteur. Et elles avancent à 0,4 mètres par seconde. Et elles mettent entre 18 et 20 secondes pour descendre. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que entre le graphite et les anneaux de carbure de bord, il y a une tige métallique. Donc il y a un espèce de vide entre le graphite et le carbure de bord. Donc les barres de contrôle qui ralentissent. Les barres descendent, le graphite il chasse l'eau. Et on se trouve brutalement, quand on arrive vers le milieu du cœur, avec ce vide. On a une variation brutale de la réactivité du cœur. Et donc le problème, comme l'évoquait tout à l'heure Galia Carman, c'est que quand ils appuient sur le fameux bouton rouge qui déclenche le système d'arrêt d'urgence, eh bien, non seulement les barres de contrôle ne descendent pas assez bas, mais surtout, à cause de la chaleur et de la pression, les canaux sont déjà déformés, donc les barres de pression ne peuvent pas descendre complètement. Elles ne peuvent pas, et surtout, on a eu un phénomène de criticité. C'est-à-dire qu'on a eu une montée très puissante du nombre de neutrons formés. C'était si puissant que le combustible a explosé. Et donc, il s'est transformé en petite poussière extrêmement chaude au contact de l'eau. Et c'est ça qui a donné l'explosion de vapeur. L'explosion de vapeur, c'est celle que l'on craint le plus. On n'a pas eu une explosion nucléaire. Hein. On a eu d'abord un accident de criticité et la violence du flux atteint a broyé littéralement broyé le combustible. Il a broyé aussi le zircaloy qui entoure, c'est le métal qui entoure le combustible. Mmh. Et le zirconium a des réactions très violentes avec l'eau et fabrique de l'hydrogène. Il bloque l'oxygène, il casse l'eau, si vous voulez. En H et en HO. Il fabrique un oxyde de zirconium et il libère de l'hydrogène. Et c'est cette libération qui probablement a donné la deuxième explosion. Mais tout le monde n'est pas encore d'accord parce que il y a plusieurs causes possibles de cette deuxième explosion. Mais la première, c'est incontestablement une explosion de vapeur qui a suivi cet accident de criticité. Oui, parce que Galia Carman, il y a bien deux explosions très très rapprochées, mais tous les témoignages concordent pour dire qu'il y a deux explosions à une seconde d'écart. Il paraît que la première explosion, en fait, ne se produit pas dans le réacteur même, mais dans la salle des machines, dans la salle des turbines, probablement avec ce ce vapeur justement, et ensuite ça impacte, si l'on peut dire, le réacteur. En tout cas, c'est une des hypothèses qui ont été émises. Comment comprendre, Galia Carman, que à ce niveau-là, donc juste avant la première explosion, alors qu'ils se rendent compte que les barres de contrôle ne descendent pas suffisamment, comment expliquer que Dyatlov oblige les équipes à poursuivre le test? Mais de toute façon, là, la catastrophe est déjà totalement programmée. Plus rien ne peut l'arrêter, je pense. Donc c'est bien sûr une erreur, mais il essaie en fait de faire remonter la puissance du réacteur qui est descendu très bas pour poursuivre le test, mais c'est déjà trop tard. Donc, il y a ces deux explosions, on l'a entendu, personne au début n'y croit à l'intérieur de la centrale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Claude Zerbib, dans les toutes dernières secondes, dans le cœur du réacteur, au moment où il y a une sorte de... l'uranium devient quasiment liquide, en fait? Oui, il a été pulvérisé, il était exactement 1h22 et 44 secondes, et à quelques dixièmes de seconde près, on a eu cette montée brutale qui a pulvérisé le combustible. C'est une énergie fabuleuse qui est... Ça représente quoi justement, alors, pour donner un ordre de grandeur? Il y a un très grand nombre de neutrons qui sont produits et qui chauffent le combustible, qui le font éclater. Et ce n'est pas lui-même qui a délivré la plus grande puissance. C'est projeté dans l'eau. Ces nombreux petits points chauds ont provoqué l'explosion. Ceux qui parlent de l'explosion de vapeur, ils disent que si on met sur une plaque de métal chaude 1 litre d'eau, on le fait tomber dessus, c'est l'équivalent d'un kilo de TNT. Ça vous donne une idée de l'énergie puissante de ces explosions de vapeur. C'est celles qui sont les plus préoccupantes dans un réacteur nucléaire. C'est ça, c'est l'explosion de vapeur. Plus que l'explosion critique, une explosion au sens classique du terme. Galia Carman, il va falloir donc du temps, il va falloir même les premières personnes qui reviennent et qui ont la peau brûlée par la puissance des radiations pour comprendre qu'effectivement le couvercle de 2000 tonnes a sauté, que le toit a été effondré, que le cœur du réacteur est à l'air libre. Que se passe-t-il dans ces quelques secondes, minutes après l'explosion de la centrale et du réacteur numéro 4? On l'a déjà dit, en fait, la direction n'était pas présente sur les lieux. Et il faut se souvenir qu'on est grosso modo 1h30 dans la nuit du vendredi au samedi. L'ingénieur en chef n'est pas présent, le directeur de la centrale n'est pas présent. On les avertit, ils rappliquent, l'ingénieur en chef assez rapidement, le directeur qui, paraît-il, était allé à la pêche, rapplique vers 4h du matin. On ne croit absolument pas que le cœur a explosé parce que c'est impossible. Donc, on continue à inonder ce réacteur explosé d'eau, ce qui a posé aussi beaucoup de problèmes par la suite. Voilà. Et on informe Moscou. Mais ils n'avaient même pas de dosimètre pour mesurer la vraie radioactivité. Leur dosimètre était calé sur des valeurs tout à fait basses, qui n'avaient rien à voir avec les valeurs réelles. Et donc, ils font le rapport à Moscou qu'il y avait un accident, mais que le cœur du réacteur est intact. Et ils donnent les chiffres que donne leur dosimètre, alors que ces dosimètres, ils montrent le maximum autorisé par l'outil, mais... Oui, c'est-à-dire qu'il est dans la tranche maximum, mais qui n'a rien à voir avec l'ampleur des radiations. Bien sûr. Et donc, on perd des heures. La commission gouvernementale est constituée au petit matin. Vers midi, ils arrivent à Pripyat. Et il faut faire un survol du réacteur dans un hélicoptère pour pouvoir voir de ses propres yeux qu'il y a un trou fumant à la place du réacteur numéro 4, avec au milieu ce fameux couvercle Helena de 2000 tonnes qui est retombé à la verticale et qui, si vous voulez, coupe le trou du réacteur en deux, et qui rendra ensuite aussi plus difficile les premières mesures préconisées, c'est-à-dire le lâchage du sable, du bor, du plomb, etc., dans les jours qui ont suivi, ce qu'on appelle le balai des hélicoptères, qui a déversé des centaines de tonnes de toutes ces matières. Dont un, d'ailleurs, finira d'ailleurs dramatiquement par s'écraser. Quelle est la matière radioactifs, quels sont les éléments radioactifs qui sont libérés et qui sont à ce point-là forts et qui émettent d'aussi puissantes radiations, Jean-Claude Zerbib, après la catastrophe? Les principaux, ça a été le césium-137, parce qu'il a 30 ans de période. Le strontium-90 également, mais il est plus difficile à mesurer. Mais c'est surtout lui qui a entraîné les contaminations et tous les iodes. Donc les iodes qui ont été à l'origine des cancers de la thyroïde des enfants et des adultes de Biélorussie et d'Ukraine et de quelques territoires de l'URSS. Et comme je vous dis, je suis à peu près sûr qu'il y avait des iodures de césium. Et donc l'iode a servi de cheval de Troie au césium, et on trouve aujourd'hui du césium dans les thyroïdes des enfants en Ukraine et en Biélorussie. On arrive à la fin de cette émission. On n'aura pas eu le temps d'évoquer la question des sarcophages, mais ça donnera l'occasion et le lieu à une autre émission. J'aimerais peut-être vous poser une question, alors que vous avez peut-être trouvé naïve, mais tout de même, est-ce que aujourd'hui, compte tenu des centrales nucléaires de différentes générations, compte tenu de ce qui s'est passé, des différents accidents, celui de Tchernobyl, mais celui de Three Mile Island aussi dans une autre mesure, est-ce que ce type d'accident-là pourrait se reproduire, Jean-Claude Zerbib? De ce type-là, je pense pas, non, parce qu'il y a vraiment eu un manque total de culture. Et quand on voit que Nesterenko avait regardé le programme de l'expérience de électrique, et il a vu qu'il y avait des endroits importants qui étaient biffés avec rien venant remplacer. Donc, si vous voulez, il y a eu aucun contrôle par une autorité de sûreté, par un ingénieur de criticité de l'installation, et c'est ce manque total de protection qui pose problème. Ils ont eu déjà ce type de problème avec un réacteur, mais mieux encore, ils en ont eu au démarrage de Tchernobyl 4. Sur ce réacteur, pendant les essais de démarrage, ils ont eu ce problème avec la constitution des barres de contrôle. Des barres de contrôle. Mmh. Galia Carmen, votre opinion à ce sujet? Mon opinion, que c'est vrai, il y avait cette construction défectueuse. D'ailleurs, certains défauts ont été corrigés pour les réacteurs restants encore de ce type RBMK. Il y avait des erreurs humaines, il y avait le sceau de secret et donc le voile du secret qui couvrait tout ce qui se passait dans le domaine nucléaire, mais je pense aussi que nous sommes devant quand même une source assez dangereuse de production d'électricité. Vous voyez, à Fukushima, les raisons étaient totalement différentes, le type de réacteur était totalement différent, mais néanmoins, un accident s'est produit. Et puis, il reste toujours, pour cette énergie très propre, le problème de l'enfouissement des déchets qui n'est pas encore totalement résolu. Évidemment, et qui donneront lieu à d'autres émissions. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Fukushima, c'était évidemment un autre accident d'une autre nature, d'une autre gravité aussi. Merci, Galia Carman. Merci, Jean-Claude Zerbib. Galia Carman, je rappelle, un traversé Tchernobyl, c'est aux éditions Premier Parallèle. Merci à Ludovic Piétenu, correspondant à Berlin de Radio France pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Nicolas Delmas aujourd'hui à la technique. Demain, c'est le grand retour de vos vendredis d'actualité scientifique avec l'équipe de chroniqueurs que vous connaissez désormais. Il sera question du village sur la Lune, de la future mission sur Titan et de photonique topologique. Et puis, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.